Pays de Cocagne. En attendant la visite programmée de l'amie Martine, Faustine accompagne Colline. Cette dernière tient à lui faire visiter les derniers commerces en vogue, les Factory Outlets ou Outlet Store. À l'origine, dans les années 30, ces magasins accolés aux usines et entrepôts écoulaient les invendus ou les produits défectueux, essentiellement de l'habillement et des articles ménagers, auprès des employés de l'entreprise. Dès les années 1980, ils se dissocient des fabriques et certains deviennent de véritables centres artisanaux. Les produits sont beaucoup plus chers, évidemment, puisque relevant d'un effet de mode. Des restaurants, des boîtes de nuit, des cinémas se sont greffés sur les structures commerciales. Ce que le gogo n'a pas dépensé en objets, il le mettra dans la nourriture et les loisirs. Il n'empêche, certains artisans sont vraiment doués. En outre, ce sont les seuls endroits où Faustine trouvera des vanneries, des tissus et des matériaux adéquats à la fabrication de paniers décorés. Elle espère compléter une petite collection qu'elle laissera en dépouvante dans certaines boutiques de son patelin, pour autant qu'elle trouve preneur. En chemin, elle s'enquiert auprès de Colline sur la possibilité d'acheter une machine à coudre d'occasion. Sa nouvelle amie lui dit de ne pas chercher plus loin, car elle ne se sert plus de la sienne depuis belle lurette. Elle sera heureuse de la prêter. Au retour de leur expédition, Faustine est comblée. Elle a tout trouvé, depuis les vanneries jusqu'aux croquets, en passant par la mousse de rembourrage et des tissus, ici utilisés pour les célèbres patchwork, valant bien les cotonnades provençales, si prisées sur la Côte d'Azur. Sitôt sa visiteuse repartie chez elle, au Québec, elle pourra se mettre au travail. Pour une fois, Maxime n'a pas lésiné sur l'argent de la semaine. Faustine a largement de quoi recevoir dignement son invité. Elle parcourt les allées du Safeway le plus proche en quête d'idées savoureuses, si possible issues de la grande cuisine classique. Elle est vraiment épatée par la taille et la profusion des produits. Ça change du magasin de la rue Monge. Le plus ahurissant étant le rayon pharmacie. Jamais en Europe on ne trouvera de médicaments dans un supermarché. Ici, seuls les remèdes qui se vendent sur ordonnance sont délivrés par des professionnels. Tous les autres sont à portée de main et la concurrence fait rage. Il y a une bonne dizaine de marques de paracétamol, remarque l'intéressé. Même contenance, même prix. À se demander pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre. Tout se joue sur la publicité à la télévision, sans doute. À l'autre bout du magasin, on trouve le bureau postal. Encore une nouveauté aux yeux de Faustine. Un employé assermenté est présent à heure fixe pour recevoir colis ou lettres à expédier ou timbrer le cas échéant, remettre le courrier poste restant si vous en attendez ou payer les mandats. Les gondoles à proximité proposent, entre autres, un choix de papier à lettres, de timbres et d'emballage cartonné. Cela évite au gouvernement non seulement les frais de location d'un bâtiment spécial, mais également d'appointer des fonctionnaires avec toutes les contraintes que cela suppose, retraite, assurance, etc. Pourquoi s'encombrer alors que des employés du supermarché sont taillables et corvéables à merci, qu'il suffit de leur faire prêter serment sur la Bible? En outre, on peut les virer du jour au lendemain et les réengager dans la même boîte sans scrupule aucun 3 jours ou 3 mois plus tard. Le jour prévu, grâce à la description élogieuse de Maxime, qui jure qu'il n'a jamais couché avec, il n'a pas été difficile à Faustine de reconnaître l'amie Martine. Une jolie brunette d'environ 32 ans à la gare routière de Manassas. Son bus Greyhound a pris 2 heures de retard à cause de ralentissements dans la périphérie de Washington. Faustine n'a pas la télévision. Or, le pays entier est en ébullition parce qu'on a tiré sur le président Reagan. Blessé au poumon, mais hors de danger, il est à l'hôpital. Sa femme, Nancy, auprès de lui. Martine a entendu dire qu'on a arrêté son meurtrier. Ce dernier s'en serait pris au président en accomplissant ce geste historique afin d'épater Jodie Foster, la célèbre actrice. Immédiatement, les deux femmes se trouvent des points communs. Elle ne tarisse pas de la nuit. Martine, architecte, collabore dans un prestigieux cabinet de Montréal. Elle raconte avec force détail sa vie au Canada, mais s'épanche surtout sur ses amours contrariés avec son boss, qui, hélas, est déjà marié. Surtout, elle sent son horloge biologique s'affoler. Ceci dit, elle est venue pour se distraire, pas pour geindre. Les nouvelles amies passent les deux jours suivants à se faire belles. Elles se teignent les cheveux, en noir pour Faustine, en blond pour Martine, se peignent les ongles, s'échangent des trucs de maquillage. Enfin, Martine demande à son hôtesse de l'aider à raccourcir le fil de son stérilet qui la gêne. Faustine, qui n'a jamais vu un sexe féminin de près, même pas le sien, est choquée par cette requête incongrue. Martine ne lui laisse pas le temps de refuser. Elle s'allonge sur le lit et écarte les cuisses. Faustine attrape une paire de petits ciseaux et se laisse guider. C'est donc ainsi fait, une femme, finalement ce n'est pas moche, bien au contraire. On dirait une jolie fleur entre deux longs pétales roses. Voyant le fil qui dépasse, elle tire un petit peu dessus avant de couper à la bonne distance. Plus tard, munie d'un miroir de poche, elle ira regarder ce qu'il en est de sa fleur à elle, dont Maxime vante toujours la joliesse. La bouteille de chardonnay, 2 litres d'un vin blanc californien pas piqué des verres, est presque vide quand les deux nanas sont prêtes à partir. Elles ont décidé de passer la soirée dans un nightclub des environs, une sorte de ranch où on danse autre chose que des quadrilles. La fête bat son plein quand elles arrivent. Le plancher en bois résonne fort sous les pieds de nombreux cow-boys. En comparaison avec la France, ces messieurs de l'Amérique profonde semblent vraiment très lourds, gentils, mais rustiques. Au bout d'une demi-heure, lassées d'attendre, les jeunes femmes se résignent à danser ensemble. Quand 2 mâles, un brun, un blond, osent enfin s'approcher d'elles. Elles ont de la chance, ils sont sympas et témoignent d'un humour légèrement au-dessus de la moyenne. Faustine danse avec le blond alors que Martine entraîne le brun. Quelques slots plus tard, leur cavalier leur offre une bière et des potato peels. Kizako, des épluchures de pommes de terre frites. Chez nous, on donne ça aux cochons, sans les frire, bien sûr. Contre toute attente, c'est délicieux, surtout avec cette petite sauce tartare savamment épicée. Faustine se régale. En fin de soirée, les jeunes gens les invitent chez eux pour le traditionnel dernier verre. Pourquoi pas? Elles ont déjà bu pas mal, mais pas assez, reconnaît Faustine. Continuons la fête. Leurs nouveaux amis entrelouent une maisonnette dans les environs. Employés dans un magasin de disques, ils possèdent bien sûr les dernières nouveautés et se font un devoir d'initier leurs invités. Martine, en bonne citadine, en connaît un sacré rayon. Beaucoup plus que Faustine, dont les connaissances musicales stagnent au jazz des années 30. On parle beaucoup, on rit d'autant plus. La dernière flasque vidée, Martine se retire avec son compagnon dans une chambre. Faustine, quant à elle, n'aurait rien contre un petit câlin, mais son élu, ayant appris qu'elle était fiancée, ne veut pas en entendre parler. Ici, aux USA, l'adultère est illégal, évoque-t-il comme une excuse. Finalement, ce n'est pas plus mal. On risque moins les maladies ou les grossesses surprises. D'ailleurs, Faustine est fatiguée, un peu trop imbibée, et, après tout, « tomorrow is another day ». Le lendemain matin, tout le monde se retrouve, en plus ou moins bon état, à la table du petit déjeuner. Martine, noceuse aguerrie, est la première debout, métamorphosée en mère nourricière. Elle prépare des sandwichs aux œufs, au bacon, pour tout le monde. C'est sa spécialité. Elle est imbattable dans ce domaine. Les toasts sont grillés à point, le bacon croquant à souhait et l'œuf au milieu, juste mollet comme il faut. Faustine aura beau s'y entraîner, jamais elle ne réussira une telle merveille. Quand tout le monde a bien mangé, on décide d'aller se promener. Aujourd'hui, samedi, il y a des garage sales, ventes dans les garages équivalent des coffres ouverts de chez nous, un peu partout dans le quartier. Les Américains, restés des pionniers, se déplacent facilement. Ils émigreront à l'autre bout du pays sans état d'âme, laissant derrière eux parents et amis s'ils savent y trouver un meilleur emploi. Ainsi, cette possibilité de se remeubler à moindre coût évite les frais d'un transporteur. Cela revient moins cher de tout vendre et de racheter d'occasion à l'étape suivante. Quand on se promène dans les bourgades, les banlieues, quand on longe les routes principales, certaines habitations peuvent se situer très loin à l'intérieur des terres, on trouve des panneaux, vente de garage un peu partout. Il suffit de suivre la flèche. Le garage est ouvert et tout le barda à vendre pour quelques quarters est disposé sur la pelouse à portée de main. Il faut 4 quarters pour faire 1 dollar. Faustine adore se promener au milieu de tout ce foutoir, comme dirait Maxime. On y trouve de tout, depuis des pinces à linge, d'une drôle de forme d'ailleurs, ici, jusqu'à des sèche-cheveux, en passant par des planches à pain. Faustine aimerait bien dénicher une passoire. Mais au pays des salades toutes prêtes, ce n'est manifestement pas un objet courant. Ou alors hors de prix, dans des boutiques de luxe. Quelle différence de culture entre les pays anglo-saxons et ceux d'Europe du centre et du sud. Faustine devra carrément importer certains ustensiles aussi indispensables qu'un poivrier, une râpe à fromage ou un presse-purée. En fin de journée, les jeunes gens se séparent, sans espoir de retour pour Faustine, sur un simple au revoir pour Martine, qui prétend déjà être en amour. Et les filles rentrent chez elles pour constater qu'elles ont été cambriolées. Mince alors, pour une fois qu'elles étaient loin. La contre-porte métallique a été forcée. Heureusement, il n'y avait aucune valeur dans la maison si ce n'est une petite boîte en bois peinte que Faustine adorait, dans laquelle elle serrait, entre autres, le sou en or porte-bonheur reçu à sa naissance. À part cela, bizarrement, seul le frigidaire a été visité. Détail marrant, alors qu'il restait du vin dans la bouteille, les voleurs n'ont pris que du lait et du jus d'orange. C'est vraiment extraordinaire. Il devait s'agir d'adolescents, décrète Martine, qui décide tout de même d'avertir la police. Pour que les réparations de la porte soient remboursées par l'assurance, il faut en passer par là. Les policiers, arrivés à grand renfort de sirènes, confirment vite qu'il s'agissait probablement de très jeunes cambrioleurs. Il n'empêche, c'est la première fois que cela arrive à Faustine. La jeune femme le vit comme un viol. Jusqu'à présent, la solitude ne lui faisait pas vraiment peur. Mais ici, dans ce pays immense et étranger, elle se sent vulnérable. Une anxiété diffuse s'installe en elle, qu'une seule médecine, l'alcool, parvient à apaiser. Au lendemain de cette nuit bouleversante, le petit ami de Martine lui téléphone, l'invitant à le rejoindre quelques jours. Elle n'hésite pas, fait son sac dans la demi-heure et demande à Faustine de la conduire à Manassas. Au retour, Faustine reçoit un coup de fil en réponse à sa petite annonce de restauration à domicile. Il s'agit de cuisiner un repas pour 4 personnes chez un particulier. Rendez-vous est pris pour le jour suivant. Faustine note soigneusement toutes les coordonnées. Heureusement, cette commande la distraite de ses inquiétudes. Sa première cliente réside dans une grande maison en briques rouges. On dirait presque un bunker. Sombre et sinistre. Faustine se gare dans la contre-allée, se présente à la porte. Un maître d'hôtel, très collet monté, vient lui ouvrir. Il la regarde avec condescendance en la conduisant auprès de sa maîtresse. « Installez-vous !» hurle la très vieille dame. Alors que Faustine se penche pour lui serrer une main qui s'esquive prudemment. Obtempérant, la jeune femme regarde autour d'elle. Quel environnement! Un véritable nid à poussière! Des chaises à bascule vêtues d'un tissu à carreaux, des buffets en bois mastoc, des horloges qui datent du siècle dernier, des animaux empaillés et des bouquets de fleurs artificiels disposés de manière anarchique. Une petite boutique des horreurs que n'aurait pas renié le cinéaste Roger Corman. Faustine, sagement assise, écoute l'antique Lady lui dicter ses souhaits. Cette dernière commence par lui faire remarquer que $30 pour un repas, sans compter les ingrédients, c'est de la quasi-escroquerie. Allons bon, pense l'apprenti chef, encore une rapia. Sans se laisser démonter, elle bluffe. À prendre ou à laisser, en espérant bien que ce sera pris. De fait, madame, sans insister, établit le menu. Elle exige des asperges sauce hollandaise en entrée. Pour la suite, elle attend une proposition de viande ou de poisson. Faustine suggère un bœuf bourguignon. Trop lourd. Du saumon grillé. Trop cher. Ou des cordons bleus de poulet. Pourquoi pas? Pour le dessert, une mousse au chocolat. Avant de la renvoyer, madame demande à Faustine d'établir la liste des ingrédients dont elle aura besoin. La jeune femme sera attendue le lendemain à 16 heures précises. Faustine se retire. Elle se rend compte, en se retrouvant à l'air libre, qu'elle s'est presque arrêtée de respirer pendant tout l'entretien.